Monsieur Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Sur quel problème sérieux le RDC s'est attaqué? Aucun. Il a passé le temps à voyager, à aller recevoir les certificats de bons démocrates à Washington. Le pouvoir a été transmis de façon légale à M. Tshisekedi. Et nous, on s'attendait justement que M. Tshisekedi arrivât au pouvoir mais, et posa les vrais problèmes. Les vrais problèmes, surtout que son prédécesseur est parti du pouvoir et lui a porté même un certain appui et soutien sur le plan politique. C'est-à-dire une vaste majorité qui l'a soutenu. Mais qu'a fait M. Tshisekedi? Lui, il a estimé que justement, il fallait déconstruire cette majorité pour aller s'allier à M. Katumbi et à M. Bemba. M. Tshisekedi arrive aujourd'hui, se rend compte qu'en 4 ans de présidence, il a élection l'année prochaine et il n'a rien fait. Afrique Média, le monde, c'est nous.